Alors, mon ami, vous êtes donc descendu au palais Boccanera. Ah, quel désastre aussi de ce côté. Mais lorsque le prêtre lui eut répété sa conversation avec Benedetta, la phrase où elle avait dit qu'elle l'aimait toujours et que jamais elle n'oublierait sa bonté, quoi qu'il arrivât, il s'attendrit, sa voix eut un tremblement. Oui, c'est une bonne âme, elle n'est pas méchante. Seulement, que voulez-vous, elle n'aimait pas Luigi, et lui-même a été un peu violent, peut-être. Ces choses ne sont plus un mystère, je vous en parle librement, puisque, à mon grand chagrin, tout le monde les connaît. Orlando, s'abandonnant à ses souvenirs, dit sa joie vive, la veille du mariage, à la pensée de cette admirable créature qui serait sa fille, qui remettrait de la jeunesse et du charme autour de son fauteuil d'infirme. Il avait toujours eu le culte de la beauté, un culte passionné d'amant, dont l'unique amour serait resté celui de la femme si la patrie n'avait pas pris le meilleur de lui-même. Et Benedetta, en effet, l'adora, la vénéra, montant sans cesse passer des heures avec lui, habitant sa petite chambre pauvre, qui resplendissait alors de l'éclat de divine grâce qu'elle y apportait. Il revivait dans son haleine fraîche, dans l'odeur pure et la caressante tendresse de femme dont elle l'entourait, sans cesse aux petits soins. Mais tout de suite, quel affreux drame, et que son cœur avait saigné de ne savoir comment réconcilier les époux. Il ne pouvait donner tort à son fils de vouloir être le mari accepté, aimé. D'abord, après la première nuit désastreuse, ce heurt de deux êtres, entêtés chacun dans son absolu, il avait espéré ramener Benedetta, la jeter aux bras de Luigi. Puis, lorsque, en larmes, elle lui eut fait ses confidences, avouant son amour ancien pour Dario, disant toute sa révolte imprévue devant l'acte, le don de sa virginité à un autre homme, il comprit que jamais elle ne céderait. Et toute une année s'était écoulée. Il avait vécu une année, cloué sur son fauteuil, avec ce drame poignant qui se passait sous lui, dans ses appartements luxueux dont les bruits n'arrivaient même pas à ses oreilles. Que de fois il avait essayé d'entendre, craignant des querelles, désolé de ne pouvoir se rendre utile encore en faisant du bonheur. Il ne savait rien par son fils qui se taisait. Il n'avait parfois des détails que par Benedetta lorsqu'un attendrissement l'a laissé sans défense. Et ce mariage où il avait vu un instant l'alliance tant désirée de l'ancienne Rome avec la nouvelle, ce mariage non consommé le désespérait, comme l'échec de tous ses espoirs, l'avortement final du rêve qui avait empli sa vie. Lui-même finit par souhaiter le divorce, tellement la souffrance d'une pareille situation devenait insupportable. Ah, mon ami, je n'ai jamais si bien compris la fatalité de certains antagonismes. Et comment, avec le cœur le plus tendre, la raison la plus droite, on peut faire son malheur et celui des autres. Mais la porte s'ouvrit de nouveau, et cette fois, sans avoir frappé, le comte Prada entra. Tout de suite, après un salut rapide au visiteur qui s'était levé, il prit doucement les mains de son père, les tâta, en craignant de les trouver trop chaudes ou trop froides. J'arrive de l'instant de Frascati, où j'ai dû coucher, tellement ces constructions interrompues me tracassent. Et l'on me dit que vous avez passé une nuit mauvaise. Eh non, je t'assure. Oh, vous ne me le diriez pas. Pourquoi vous obstinez-vous à vivre ici sans aucune douceur? Cela n'est plus de votre âge. Vous me feriez tant plaisir en acceptant une chambre plus confortable. Vous dormiriez mieux. Eh non, je sais que tu m'aimes bien, mon bon Luigi, mais je t'en prie, laisse-moi faire au gré de ma vieille tête. C'est la seule façon de me rendre heureux. Pierre fut très frappé de l'ardente affection qui enflammait les regards des deux hommes, pendant qu'ils se contemplaient les yeux dans les yeux. Cela lui parut infiniment touchant, d'une grande beauté de tendresse, au milieu de tant d'idées et d'actes contraires, de tant de ruptures morales qui les séparaient. Et il s'intéressa à les comparer. Le comte Prada, plus court, plus trapu, avait bien la même tête énergique et forte, plantée de rudes cheveux noirs, les mêmes yeux francs, un peu durs, dans une face d'un teint clair, barrée d'épaisses moustaches. Mais la bouche différait. Une bouche à la dentition de loup sensuelle et vorace, une bouche de proie, faite pour les soirs de bataille, quand il ne s'agit plus que de mordre à la conquête des autres. C'était ce qui faisait dire, lorsqu'on vantait ses yeux de franchise, « Oui, mais je n'aime pas sa bouche. » Les pieds étaient forts, les mains grasses et trop larges, très belles. Et Pierre s'émerveillait de le trouver tel qu'il l'avait attendu. Il connaissait assez intimement son histoire pour reconstituer en lui le fils du héros que la conquête a gâté, qui mange à dents pleines la moisson coupée par l'épée glorieuse du père. Il étudiait surtout comment les vertus du père avaient dévié, s'étaient, chez l'enfant, transformées en vices, les qualités les plus nobles se pervertissant, l'énergie héroïque et désintéressée devenant le féroce appétit des jouissances, l'homme des batailles aboutissant à l'homme du butin. Depuis que les grands sentiments d'enthousiasme ne soufflaient plus, qu'on ne se battait plus, qu'on était là au repos, parmi les dépouilles entassées, pillantes et dévorantes. Et le héros, le père paralytique, immobilisé, qui assistait à cela, à cette dégénérescence du fils, du brasseur d'affaires gorgé de millions. Mais Orlando présenta Pierre. « Monsieur l'abbé Pierre Froment, dont je t'ai parlé, l'auteur du livre que je t'ai fait lire. » Prada se montra fort aimable, parla tout de suite de Rome, avec une passion intelligente, en homme qui voulait en faire une grande capitale moderne. Il avait vu Paris transformé par le Second Empire. Il avait vu Berlin agrandi et embelli après les victoires de l'Allemagne. Et selon lui, si Rome ne suivait pas le mouvement, si elle ne devenait pas la ville habitable d'un grand peuple, elle était menacée d'une mort prompte. Ou un musée croulant, ou une cité refaite, ressuscitée. Pierre, intéressé, presque gagné déjà, écoutait cet habile homme dont l'esprit ferme et clair le charmait. Il savait avec quelle adresse il avait manœuvré dans l'affaire de la Villa Montefiori, s'y enrichissant lorsque tant d'autres s'y ruinaient, ayant prévu sans doute la catastrophe fatale au moment où la rage de la Gio affolait encore la nation entière. Pourtant, il surprenait déjà des signes de fatigue, des rides précoces, les lèvres affaissées, sur cette face de volonté et d'énergie, comme si l'homme se lassait de la continuelle lutte, parmi les écroulements voisins qui minaient le sol, menaçant d'emporter par contre-coup les fortunes les mieux assises. On racontait que Prada, dans les derniers temps, avait eu des inquiétudes sérieuses, et plus rien n'était solide, tout pouvait être englouti à la suite de la crise financière qui s'aggravait de jour en jour. C'était ce rude fils de l'Italie du Nord. C'était une sorte de déchéance, un lent pourrissement, sous l'influence amollissante, pervertissante de Rome. Tous ses appétits s'y étaient rués à leur satisfaction. Il s'épuisait à les y contenter, appétit d'argent, appétit de femme. Et de là venait la grande tristesse muette d'Orlando, quand il voyait cette déchéance rapide de sa race de conquérants, tandis que Sacco, l'Italien du Midi, servi par le climat, fait à cet air de volupté à ces villes d'antique poussière brûlées de soleil, s'y épanouissait comme la végétation naturelle du sol saturé des crimes de l'histoire, s'y emparait peu à peu de tout, de la richesse et de la puissance. Le nom de Sacco fut prononcé. Le père dit au fils un mot de la visite de Stéphane. Sans rien ajouter, tous deux se regardèrent avec un sourire. Le bruit courait que le ministre de l'Agriculture, décédé, ne serait peut-être pas remplacé tout de suite, qu'un autre ministre ferait l'intérim et qu'on attendrait l'ouverture de la chambre. Puis, il fut question du palais Boccanera. Et Pierre, alors, redoubla d'attention. « Ah !» lui dit le comte, « vous êtes descendu rue Giulia. Toute la vieille Rome dort, là, dans le silence de l'oubli. » Très à l'aise, il s'entretint du cardinal et même de Benedetta, la comtesse, comme il disait en parlant de sa femme. Il s'étudiait à ne montrer aucune colère. Mais le jeune prêtre le sentit frémissant, saignant toujours, grondant de rancune. Chez lui, la passion de la femme, le désir, éclataient avec la violence d'un besoin qu'il devait satisfaire sur l'heure. Et il y avait sans doute encore là une des vertus gâtées du père, le rêve enthousiaste courant au but, aboutissant à l'action immédiate. Aussi, après sa liaison avec la princesse Flavia, quand il avait voulu Benedetta, la nièce, divine d'une tante restée si belle, s'était-il résigné à tout, au mariage, à la lutte contre cette jeune fille qui ne l'aimait pas, au danger certain de compromettre sa vie entière. Plutôt que de ne pas la voir, il aurait incendié Rome. Et ce dont il souffrait, sans espoir de guérison, la plaie sans cesse avivée qu'il portait au flanc, c'était de ne pas l'avoir eue, de se dire qu'elle était sienne et qu'elle s'était refusée. Jamais il ne devait pardonner l'injure. La blessure en demeurait au fond de sa chair inassouvie, où le moindre souffle en réveillait la cuisson. Et, sous son apparence d'homme correct, le sensuel délirait alors, jaloux et vindicatif, capable d'un crime. « Monsieur l'abbé est au courant, » murmura le vieil Orlando de sa voix triste. Prada eut un geste, comme pour dire que tout le monde était au courant. « Ah, mon père, si je ne vous avais pas obéi, jamais je ne me serais prêté à ce procès en annulation de mariage. La comtesse aurait bien été forcée de réintégrer le domicile conjugal. » Et elle ne serait pas, aujourd'hui, à se moquer de nous, avec son amant, ce Dario, le cousin. » D'un geste à son tour, Orlando voulut protester. « Mais certainement, mon père, pourquoi croyez-vous donc qu'elle s'est enfuie d'ici, si ce n'est pour aller vivre au bras de son amant, chez elle? Et je trouve même que le palais de la Rue Giulia, avec son cardinal, abrite là des choses assez malpropres. » C'était le bruit qu'il répandait, l'accusation qu'il portait partout contre sa femme. Cette liaison adultère, selon lui publique, est hontée. Au fond, cependant, il n'y croyait pas lui-même, connaissant trop bien la raison ferme de Benedetta, l'idée superstitieuse et comme mystique qu'elle mettait dans sa virginité, la volonté qu'elle avait d'être seulement à l'homme qu'elle aimerait et qui serait son mari devant Dieu. Mais il trouvait une accusation pareille de bonne guerre très efficace. « À propos, » s'écria-t-il brusquement, « vous savez, mon père, que j'ai reçu communication du mémoire de Morano, et ces choses entendues, si le mariage n'a pu être consommé, c'est par suite de l'impuissance du mari. » Il partit d'un éclat de rire, désirant montrer que cela lui semblait être le comble du comique. Seulement, il avait pâli de sourde exaspération. Sa bouche riait durement avec une cruauté meurtrière. Et il était évident que seule cette accusation fausse d'impuissance, si insultante pour un homme de sa virilité, l'avait décidé à se défendre dans ce procès, dont il voulait d'abord ne tenir aucun compte. Il plaiderait donc, convaincu d'ailleurs que sa femme n'obtiendrait pas l'annulation du mariage. Et, toujours riant, il donnait des détails un peu libres sur l'acte, expliquant que ce n'était pas si commode avec une femme qui se refuse, qui griffe et qui mord, et que, du reste, il n'était pas si certain que ça de ne pas l'avoir accompli. En tout cas, il demanderait les preuves, le jugement de Dieu, comme il disait en s'égayant plus fort de sa plaisanterie. Et devant les cardinaux assemblés, s'il poussait la conscience jusqu'à vouloir constater la chose par eux-mêmes. « Luigi, » dit Orlando doucement, en désignant le jeune prêtre d'un regard. « Oui, je me tais, vous avez raison, mon père. Mais en vérité, c'est tellement abominable et ridicule. Vous savez le mot de Lisbeth ? Ah, mon pauvre ami, c'est donc d'un petit Jésus que je vais accoucher. » De nouveau, Orlando parut mécontent, car il n'aimait point, quand il y avait là un visiteur, que son fils affichât si tranquillement devant lui sa liaison. Lisbeth Kaufmann, à peine âgée de 30 ans, très blonde, très rose, et d'une gaieté toujours rieuse, appartenait à la colonie étrangère, veuve d'un mari mort depuis 2 ans à Rome, où il était venu soigner une maladie de poitrine. Demeurée libre, suffisamment riche pour n'avoir besoin de personne, elle y était restée par goût, passionnée d'art, faisant elle-même un peu de peinture. Et elle avait acheté, rue du Prince Amédée, dans un quartier neuf, un petit palais où la grande salle du second étage, transformée en atelier, embaumée de fleurs en toute saison, tendue de vieilles étoffes, était bien connue de la société aimable et intelligente. On l'y trouvait dans sa continuelle allégresse, vêtue de longues blouses, un peu gamine, ayant des mots terribles, mais de fort bonne compagnie, et ne s'étant encore compromise qu'avec Prada. Il lui avait plu sans doute, elle s'était simplement donnée à lui, lorsque sa femme, depuis 4 mois déjà, l'avait quittée. Et elle était enceinte, une grossesse de 7 mois, qu'elle ne cachait point, l'air si tranquille et si heureux, que son vaste cercle de connaissances continuait à la venir voir, comme si de rien n'était, dans cette vie facile, libérée des grandes villes cosmopolites. Cette grossesse, naturellement, au milieu des circonstances où se trouvait le comte, le ravissait, devenait à ses yeux le meilleur des arguments contre l'accusation dont souffrait son orgueil d'homme. Mais au fond de lui, sans qu'il l'avouât, la blessure inguérissable n'enseignait pas moins. Car ni cette paternité prochaine, ni la possession amusante et flatteuse de Lisbeth ne compensaient l'amertume du refus de Benedetta. C'était celle-ci qu'il brûlait d'avoir, qu'il aurait voulu punir tragiquement de ce qu'il ne l'avait pas eu. Pierre, n'étant pas au courant, ne pouvait comprendre. Comme il sentait une gêne, désireux de se donner une contenance, il avait pris sur la table, parmi les journaux, un gros volume, étonné de rencontrer là un ouvrage français classique, un de ses manuels pour le baccalauréat, où se trouve un abrégé des connaissances exigées dans les programmes. Ce n'était qu'un livre humble et pratique d'instruction première, mais il traitait forcément de toutes les sciences mathématiques, de toutes les sciences physiques, chimiques et naturelles, de sorte qu'il résumait en gros les conquêtes du siècle, l'état actuel de l'intelligence humaine. « Ah ! » s'écria Orlando, heureux de la diversion. « Vous regardez le livre de mon vieil ami Théophile Morin. Vous savez qu'il était un des 1000 de Marsala et qu'il a conquis la Sicile et Naples avec nous. Un héros. Et depuis plus de 30 ans, il est retourné en France, à sa chaire de simple professeur, qui ne l'a guère enrichi. Aussi a-t-il publié ce livre, dont la vente, paraît-il, marche si bien qu'il a eu l'idée d'en tirer un nouveau petit bénéfice avec des traductions, entre autres avec une traduction italienne. Nous sommes restés des frères. Il a songé à utiliser mon influence, qu'il croit décisive. Mais il se trompe, hélas. Je crains bien de ne pas réussir à faire adopter l'ouvrage. Prada, redevenu très correct et charmant, eut un léger haussement d'épaules, plein du scepticisme de sa génération, uniquement désireuse de maintenir les choses existantes pour en tirer le plus de profit possible. « À quoi bon ? » murmura-t-il. « Trop de livres ! Trop de livres !»« Non, non !» reprit passionnément le vieillard. « Il n'y a jamais trop de livres ! Il en faut, et encore, et toujours ! C'est par le livre, et non par l'épée, que l'humanité vaincra le mensonge et l'injustice, conquérera la paix finale de la fraternité entre les peuples. « Oui, tu souris, je sais que tu appelles ça mes idées de 48, de vieille barbe, comme vous dites en France, n'est-ce pas, monsieur Froment ? Mais il n'en est pas moins vrai que l'Italie est morte si l'on ne se hâte de reprendre le problème par en bas, je veux dire, si l'on ne fait pas le peuple. Et il n'y a qu'une façon de faire un peuple, de créer des hommes. » C'est de les instruire, c'est de développer par l'instruction cette force immense et perdue qui croupit aujourd'hui dans l'ignorance et dans la paresse. Oui, oui, l'Italie est faite, faisons les Italiens. Des livres encore. Et allons toujours plus en avant, dans plus de science, dans plus de clarté, si nous voulons vivre, être sains, bons et forts. Le vieil Orlando était superbe, à moitié soulevé, avec son puissant mufle léonin, tout flambant de la blancheur éclatante de la barbe et de la chevelure. Et dans cette chambre candide, si touchante en sa pauvreté voulue, il avait poussé son cri d'espoir avec une telle fièvre de foi que le jeune prêtre vit s'évoquer devant lui une autre figure. Celle du cardinal Boccanera, tout noir et debout, les cheveux seuls de neige, admirable lui aussi de beauté héroïque, au milieu de son palais en ruine, dont les plafonds dorés menaçaient de crouler sur ses épaules. Ah, les entêtés magnifiques, les croyants, les vieux qui restent plus virils, plus passionnés que les jeunes. Ceux-ci étaient aux deux bouts opposés des croyances, n'ayant ni une idée ni une tendresse commune, et dans cette antique Rome où tout volait en poudre, eux seuls semblaient protester, indestructibles, face à face par-dessus leur ville, comme deux frères séparés, immobiles à l'horizon. De les avoir ainsi vus l'un après l'autre, si grands, si seuls, si désintéressés de la bassesse quotidienne, cela emplissait une journée d'un rêve d'éternité. Tout de suite, Prada avait pris les mains du vieillard pour le calmer dans une étreinte tendrement filiale. « Oui, oui, père, c'est vous qui avez raison, toujours raison, et je suis un imbécile de vous contredire. Je vous en prie, ne vous remuez pas de la sorte, car vous vous découvrez, vos jambes vont se refroidir encore. » Et il se mit à genoux. Il arrangea la couverture avec un soin infini. Puis, restant par terre comme un petit garçon, malgré ses 42 ans sonnés, il leva ses yeux humides, suppliant d'adoration muette, tandis que le vieux, calmé, très ému, lui caressait les cheveux de ses doigts tremblants. Pierre était là depuis près de 2 heures, lorsque enfin il prit congé, très frappé et très touché de tout ce qu'il avait vu et entendu. Et de nouveau, il dut promettre de revenir pour causer longuement. Dehors, il s'en alla au hasard. 4 heures sonnaient à peine. Son idée était de traverser Rome ainsi, sans itinéraire arrêté d'avance, à cette heure délicieuse où le soleil s'abaissait, dans l'air rafraîchi, immensément bleu. Mais presque tout de suite, il se trouva dans la rue nationale, qu'il avait descendue en voiture la veille à son arrivée. Et il reconnut les jardins verts montant au Quirinal, la banque blafarde et démesurée, le pin en plein ciel de la villa Aldobrandini. Puis, au détour, comme il s'arrêtait pour revoir la colonne Trajane, qui maintenant se détachait en un fût sombre, au fond de la place basse, déjà envahie par le crépuscule, il fut surpris de l'arrêt brusque d'une Victoria, d'où un jeune homme, courtoisement, l'appelait d'un petit signe de la main. « Monsieur l'abbé Froment ! Monsieur l'abbé Froment !» C'était le jeune prince Dario Boccanera qui allait faire sa promenade quotidienne au Corso. Il ne vivait plus que des libéralités de son oncle le cardinal, presque toujours à court d'argent. Mais, comme tous les Romains, il n'aurait mangé que du pain sec, s'il l'avait fallu, pour garder sa voiture, son cheval et son cocher. À Rome, la voiture est le luxe indispensable. « Monsieur l'abbé Froment, si vous voulez bien monter, je serai heureux de vous montrer un peu notre ville. » Sans doute, il désirait faire plaisir à Benedetta, en étant aimable pour son protégé. Puis, dans son oisiveté, il lui plaisait d'initier ce jeune prêtre, qu'on disait si intelligent, à ce qu'il croyait être la fleur de Rome, la vie inimitable. Pierre dut accepter, bien qu'il eût préféré sa promenade solitaire. Le jeune homme pourtant l'intéressait, ce dernier né d'une race épuisée, qu'il sentait incapable de pensée et d'action, fort séduisant d'ailleurs, dans son orgueil et son indolence. Beaucoup plus romain que patriote, il n'avait jamais eu la moindre velléité de se rallier, satisfait de vivre à l'écart, à ne rien faire. Et si passionné qu'il fût, il ne commettait point de folie. Très pratique, au fond, très raisonnable, comme tous ceux de sa ville, sous leur apparente fougue. Dès que la voiture, après avoir traversé la place de Venise, s'engagea dans le Corso, il laissa éclater sa vanité enfantine, son amour de la vie au dehors, heureux et gai sous le beau ciel. Et tout cela apparut très clairement dans le simple geste qu'il fit en disant « Le Corso !» De même que la veille, Pierre fut saisi d'étonnement. La longue et étroite rue s'étendait de nouveau, jusqu'à la place du peuple, blanche de lumière, avec la seule différence que c'étaient les maisons de droite qui baignaient dans le soleil, tandis que celles de gauche étaient noires d'ombre. Comment ? C'était ça le Corso ? Cette tranchée à demi-obscure, étranglée entre les hautes et lourdes façades ? Cette chaussée mesquine où trois voitures au plus passaient de front, que des boutiques serrées bordées de leurs étalages de clinquants. Ni espace libre, ni horizon vaste, ni verdure rafraîchissante. Rien que la bousculade, l'entassement, l'étouffement, le long des petits trottoirs sous une mince bande de ciel. Et Dario eut beau lui nommer les palais historiques et fastueux, le palais Bonaparte, le palais Doria, le palais Odescalchi, le palais Chiara, le palais Chigi. Il eut beau lui montrer la place Colonna, avec la colonne de Marc Aurel, la place la plus vivante de la ville, où piétine un continuel peuple debout, causant et regardant. Il eut beau, jusqu'à la place du peuple, lui faire admirer les églises, les maisons, les rues transversales, la rue des Condotti, au bout de laquelle se dressait, dans la gloire du soleil couchant, l'apparition de la Trinité des Monts, tout en or, en haut du triomphal escalier d'Espagne. Pierre gardait son impression désillusionnée de voix sans largeur et sans air. Les palais lui semblaient des hôpitaux ou des casernes tristes. La place Colonna manquait cruellement d'arbres. Seule la Trinité des monts l'avait séduit par son resplendissement lointain d'apothéose. Mais il fallut revenir de la place du peuple à la place de Venise, et retourner encore, et revenir encore, deux, trois, quatre tours sans lassitude. Dario, ravi, se montrait, regardait, était salué, saluait. Sur les deux trottoirs, une foule compacte défilait, dont les yeux plongeaient au fond des voitures, dont les mains auraient pu serrer les mains des personnes qui s'y trouvaient assises. Peu à peu, le nombre des voitures devenait tel que la double file était ininterrompue, serrée, obligée de marcher au pas. On se touchait, on se dévisageait, dans ce perpétuel frôlement de celles qui montaient et de celles qui descendaient. C'était la promiscuité du plein air, toute Rome entassée dans le moins de place possible, les gens qui se connaissaient, qui se retrouvaient comme en l'intimité d'un salon, les gens qui ne se parlaient pas, des mondes les plus adverses, mais qui se coudoyaient, qui se fouillaient du regard jusqu'à l'âme. Et Pierre, alors, eut la révélation, comprit le corso, l'antique habitude, la passion et la gloire de la ville. Justement, le plaisir était là, dans l'étroitesse de la voie, dans ce coudoiement forcé qui permettait les rencontres attendues, les curiosités satisfaites, l'étalage des vanités heureuses, les provisions des commérages sans fin. La ville entière s'y revoyait chaque jour, s'étalait, s'épiait, se donnait son spectacle à elle-même. Brûlée d'un tel besoin, indispensable à la longue, de se voir ainsi, qu'un homme bien né qui manquait le corso était comme un homme dépaysé, sans journaux, vivant en sauvage. Et l'air était d'une douceur délicieuse. L'étroite bande de ciel, entre les lourds palais roussis, avait une infinie pureté bleue. Dario ne cessait de sourire, d'incliner légèrement la tête, et il nommait à Pierre des princes et des princesses, des ducs et des duchesses, noms retentissants dont l'éclat emplit l'histoire, dont les syllabes sonores évoquent des chocs d'armure dans les batailles, des défilés de pompes papales, aux robes de pourpre, aux tiares d'or, aux vêtements sacrés étincelants de pierreries. Et Pierre était désespéré d'apercevoir de grosses dames, de petits messieurs, des êtres bouffis ou chétifs, que le costume moderne enlaidissait encore. Pourtant, quelques jolies femmes passaient, des jeunes filles surtout, muette, aux grands yeux clairs. Et comme Dario venait de montrer le palais Buongiovanni, une immense façade du XVIIe siècle, aux fenêtres encadrées de rinceaux, d'une pesanteur de goût fâcheux, il ajouta d'un air égayé « Ah, tenez, voici Attilio, là, sur le trottoir, le jeune lieutenant Sacco, vous savez, n'est-ce pas ?» D'un signe, Pierre répondit qu'il était au courant. Attilio, en tenue, le séduisit tout de suite. Très jeune, l'air vif et brave, avec son visage de franchise, où luisaient tendrement les yeux bleus de sa mère. Il était vraiment la jeunesse et l'amour, dans leur espoir enthousiaste, désintéressé de toute basse préoccupation d'avenir. Vous allez voir quand nous repasserons devant le palais, reprit Dario. Il sera encore là, et je vous montrerai quelque chose. » Et il parla gaiement des jeunes filles, ses petites princesses, ses petites duchesses, élevées si discrètement au Sacré-Cœur, d'ailleurs si ignorantes pour la plupart, achevant leur éducation ensuite dans les jupons de leur mère, ne faisant avec elles que le tour obligatoire du corso, vivant les interminables jours cloîtrés, emprisonnés au fond des palais sombres. Mais quelle tempête dans ces âmes muettes où personne n'était descendu! Quelle lente poussée de volonté parfois, sous cette obéissance passive, sous cette apparente inconscience de ce qui les entourait. Combien entendaient obstinément faire leur vie elles-mêmes, choisir l'homme qui leur plairait, l'avoir malgré le monde entier. Et c'était l'amant cherché et élu parmi le flot des jeunes hommes au corso. C'était l'amant pêché des yeux pendant la promenade, les yeux candides qui parlaient, qui suffisaient à l'aveu, au don total, sans même un souffle des lèvres, chastement closes. Et c'était enfin les billets doux remis furtivement à l'église, la femme de chambre gagnée, facilitant les rencontres, d'abord si innocentes. Au bout, il y avait souvent un mariage. Célia, elle, avait voulu à Tilio, dès que leurs regards s'étaient rencontrés, le jour de mortel ennui où, pour la première fois, elle l'avait aperçu, d'une fenêtre du palais Buon Giovanni. Il venait de lever la tête, elle l'avait pris à jamais, en se donnant elle-même de ses grands yeux purs posés sur les siens. Elle n'était qu'une amoureuse, rien de plus. Il lui plaisait, elle le voulait. Celui-ci, pas un autre. Elle l'aurait attendu 20 ans, mais elle comptait bien le conquérir tout de suite par la tranquille obstination de sa volonté. On racontait les terribles fureurs du prince, son père, qui se brisait contre son silence respectueux et têtu. Le prince, de sang mêlé, fils d'une Américaine ayant épousé une Anglaise, ne luttait que pour garder intact son nom et sa fortune au milieu des écroulements voisins. Et le bruit courait qu'à la suite d'une querelle où il avait voulu s'en prendre à sa femme, en l'accusant de n'avoir pas veillé suffisamment sur leur fille, la princesse s'était révoltée d'un orgueil et d'un égoïsme d'étrangère qui avait apporté 5 millions. N'était-ce point assez de lui avoir donné 5 enfants? Elle vivait les jours à s'adorer, abandonnant ses liens, se désintéressant de la maison où soufflait la tempête. Mais la voiture allait passer de nouveau devant le palais, et Dario prévint Pierre. « Vous voyez, voilà Attilio revenu. Et maintenant, regardez là-haut, à la 3e fenêtre du 1er étage. » Ce fut rapide et charmant. Pierre vit un coin du rideau qui s'écartait un peu, et la douce figure de Célia apparut, un lys candide et fermé. Elle ne sourit pas, elle ne bougea pas. Rien ne se lisait sur cette bouche de pureté, dans ses yeux clairs et sans fond. Pourtant, elle prenait à Tilio, elle se donnait à lui, sans réserve. Le rideau retomba. Ah, la petite masque, murmura Dario. Sait-on jamais ce qu'il y a derrière tant d'innocence? Pierre, en se retournant, remarqua Attilio, la tête levée encore, la face immobile et pâle lui aussi, avec sa bouche close, ses yeux largement ouverts. Et cela le toucha infiniment. L'amour absolu dans sa brusque toute-puissance, l'amour vrai, éternel et jeune en dehors des ambitions et des calculs de l'entourage. Puis, Dario donna à son cocher l'ordre de monter au Pincio. Le tour obligatoire du Pincio, par les beaux après-midi clairs. Et ce fut d'abord la place du peuple, la plus aérée et la plus régulière de Rome, avec ses amorces de rues et ses églises symétriques, son obélisque central, ses 2 massifs d'arbres qui se font pendant, aux 2 côtés du petit pavé blanchi, entre les architectures graves, dorées de soleil. À droite, ensuite, la voiture s'engagea sur les rampes du Pincio, un chemin enlacé, magnifique, orné de bas-reliefs, de statues, de fontaines, toute une sorte d'apothéose de marbre, un ressouvenir de la Rome antique qui se dressait parmi les verdures. Mais, en haut, Pierre trouva le jardin petit, à peine un grand square, un carré aux quatre allées nécessaires pour que les équipages pussent tourner indéfiniment. Les images des hommes illustres de l'ancienne Italie et de la Nouvelle bordent ces allées d'une file ininterrompue de bustes. Il admira surtout les arbres, les essences les plus variées et les plus rares, choisies et entretenues avec un grand soin, presque tous à feuillage persistant, ce qui perpétuait là, l'hiver comme l'été, d'admirables ombrages, nuancés de tous les verts imaginables. Et la voiture s'était mise à tourner, par les belles allées fraîches, à la suite des autres voitures, un flot continu, jamais lassé. Pierre remarqua une jeune dame seule, dans une victoria bleue sombre, très correctement menée. Elle était fort jolie, petite, châtaine, avec un teint mat, de grands yeux doux, l'air modeste, d'une simplicité séduisante. Sévèrement habillée de soie feuille morte, elle avait un grand chapeau un peu extravagant. Et, comme Dario la dévisageait, le prêtre lui demanda son nom, ce qui fit sourire le jeune prince. « Oh, personne, la Tonietta, une des rares demi-mondaines dont Rome s'occupait. » Puis, librement, avec la belle franchise de la race sur les choses de l'amour, il continua, donna des détails. Une fille dont l'origine restait obscure, les uns la faisant partir de très bas, d'un cabaretier de Tivoli, les autres la disant née à Naples, d'un banquier. Mais, en tout cas, une fille fort intelligente, qui s'était fait une éducation, qui recevait admirablement dans son petit palais de la rue des Milles un cadeau du vieux marquis Manfredi, mort à présent. Elle ne s'affichait pas, n'avait guère qu'un amant à la fois, et les princesses, les duchesses qui s'inquiétaient d'elle chaque jour au Corso la trouvaient bien. Une particularité surtout l'avait rendue célèbre, des coups de cœur qui l'affolaient parfois, qui la faisaient se donner pour rien à l'aimer, n'acceptant strictement de lui chaque matin qu'un bouquet de roses blanches, de sorte que lorsqu'on la voyait au Pincio, pendant des semaines souvent, avec ses roses pures, ce bouquet blanc de mariée, on souriait d'un air de tendre complaisance. Mais Dario s'interrompit pour saluer cérémonieusement une dame qui passait dans un landau immense, seule en compagnie d'un monsieur. Et il dit simplement au prêtre « Ma mère ». Celle-ci, Pierre la connaissait. Du moins, il tenait son histoire du vicomte de la Choue. Son second mariage, à 50 ans, après la mort du prince Onofrio Boccanera. La façon dont, superbe encore, elle avait pêché les yeux au Corso, tout comme une jeune fille, un bel homme à son goût, de 15 ans plus jeune qu'elle. Et quel était cet homme, ce Jules Laporte, ancien sergent de la garde suisse, disait-on, ancien commis voyageur en reliques, compromis dans une histoire extraordinaire de reliques fausses. Et comment elle avait fait de lui un marquis Montefiori, de belle prestance, le dernier des aventuriers heureux, triomphant au pays légendaire où les bergers épousent des reines. À l'autre tour, lorsque le grand landau repassa, Pierre les regarda tous les deux. La marquise était vraiment surprenante, toute la classique beauté romaine épanouie, grande, forte, très brune, avec une tête de déesse, ou très régulier, un peu massif, n'accusant son âge que par le duvet dont sa lèvre supérieure était recouverte. Et le marquis, ce Suisse de Genève romanisé, avait vraiment fière tournure, avec sa carrure de solide officier et ses moustaches au vent. « Pas bête, disait-on, très gai et très souple, amusant pour les dames. Elle en était si glorieuse qu'elle le traînait et l'étalait, ayant recommencé l'existence avec lui, comme si elle avait eu 20 ans, mangeant à son cou la petite fortune sauvée du désastre de la Villa Montefiori, si oublieuse de son fils qu'elle le rencontrait seulement parfois à la promenade, le saluant ainsi qu'une connaissance de hasard. « Allons voir le soleil se coucher derrière Saint-Pierre, » dit Dario dans son rôle d'homme consciencieux qui montre les curiosités. La voiture revint sur la terrasse, où une musique militaire jouait avec des éclats de cuivre terribles. Pour entendre, beaucoup d'équipages déjà stationnaient, tandis qu'une foule de piétons, de simples promeneurs, sans cesse accrus, s'était amassée. Et de cette terrasse admirable, très haute, très large, se déroulait une des vues les plus merveilleuses de Rome. Au-delà du Tibre, par-dessus le chaos blafard du nouveau quartier des Prés du Château, se dressait Saint-Pierre, entre les verdures du Mont Mario et du Janicule. Puis, c'était à gauche toute la vieille ville, une étendue de toits sans bornes, une mer roulante d'édifices à perte de vue. Mais les regards, toujours, revenaient à Saint-Pierre trônant dans l'azur, d'une grandeur pure et souveraine. Et de la terrasse, au fond du ciel immense, les lents couchers de soleil derrière le colosse étaient sublimes. Parfois, ce sont des écroulements de nuées sanglantes, des batailles de géants luttant à coups de montagnes, succombant sous les ruines monstrueuses de villes en flammes. Parfois, d'un lac sombre, ne se détachent que des gerçures rouges, comme si un filet de lumière était jeté pour repêcher parmi les algues l'astre englouti. Parfois, c'est une brume rose, toute une poussière délicate qui tombe, rayée de perles par un lointain coup de pluie, dont le rideau est tiré sur le mystère de l'horizon. Parfois, c'est un triomphe, un cortège de pourpre et d'or, des chars de nuages qui roulent sur une voie de feu, des galères qui flottent sur une mer d'azur, des pompes fastueuses et extravagantes s'abîmant au gouffre peu à peu insondable du crépuscule. Mais ce soir-là, Pierre eut le spectacle sublime, dans une grandeur calme, aveuglante et désespérée. D'abord, juste au-dessus du dôme de Saint-Pierre, descendant du ciel sans tache, d'une limpidité profonde, le soleil était si resplendissant encore que les yeux ne pouvaient en soutenir l'éclat. Dans cette splendeur, le dôme semblait incandescent, un dôme d'argent liquide, tandis que le quartier voisin, les toitures du Borgo, étaient comme changées en un lac de braise. Puis, à mesure que le soleil s'inclina, il perdit de sa flamme, on put le regarder, et bientôt, avec une lenteur majestueuse, il glissa derrière le dôme, qui se détacha en bleu sombre lorsque, entièrement caché, l'astre ne fut plus autour qu'une auréole, une gloire d'où jaillissait une couronne de flamboyants rayons. Et alors commença le rêve, le singulier éclairage du rang des fenêtres qui règne sous la coupole, traversé de part en part, devenu des bouches rougeoyantes de fournaise, de sorte qu'on aurait pu croire que le dôme était posé sur un brasier, isolé en l'air, soulevé et porté par la violence du feu. Cela dura 3 minutes à peine. En bas, les toits confus du Borgo se noyaient de vapeurs violâtres, pendant que l'horizon, du Janicule au Mont Mario, découpait sa ligne nette et noire. Et ce fut le ciel qui devint à son tour de pourpre et d'or, un calme infini de clarté surhumaine au-dessus de la terre. qui s'anéantissait. Enfin, les fenêtres s'éteignirent, le ciel s'éteignit. Il ne resta que la rondeur du dôme de Saint-Pierre, vague, de plus en plus effacée dans la nuit envahissante. Et, par une sourde liaison d'idées, Pierre vit à ce moment s'évoquer devant lui, une fois encore, les hautes et tristes et déclinantes figures du cardinal Boccanera et du vieil Orlando. Au soir de ce jour où il les avait connus l'un après l'autre, si grands dans l'obstination de leur espoir, ils étaient là, tous les deux, debout à l'horizon, sur leur ville anéantie, au bord du ciel que la mort semblait prendre. Était-ce donc que tout allait ainsi crouler avec eux? Que tout allait s'éteindre et disparaître dans la nuit des temps révolus?